for the Medjugorje. Pierre Voyette. Séjourné longtemps dans notre premier refuge, de crainte d'être débusqué par des drones de Medjugorje. Nous avons suivi l'eau vers une autre vallée. Nous nous sommes éloignés, mais les avancées de la forêt fractale marquait une nouvelle frontière infranchissable. Là, nous avons édifié une cabane, notre havre, à l'abri des pluies incessantes, et des regards inquisiteurs des cellules mécaniques de la matrice. Le bois qui nous entoure est devenu une seconde peau. Nous avons humé ces senteurs délicates. Nous avons éteint la faim et la soif des bienfaits que dispense la forêt. Nous avons appris de son babillage. Nous avons contemplé le temps, son œuvre. Nous avons moissonné les perles semées, les perles d'espoir. Nous sommes devenus des sauvageons, des rejetons du bois. Et partout et en nous, la sève monte. S'altère, nu, tout comme la chênaie qui nous abrite. La chênaie qui est devenue notre cocon. Bientôt, il nous faudra choisir de lutter pied à pied avec les manifestations de la forêt qui avance, ou nous rendre dans les entrailles de la matrice et ouvrir nos pères, les dormeurs qui sont placés sous le joug d'elfes. Même visage glorieux et des autres. Lorsque je surprends au réveil la présence d'une toile tissée, loin de l'ordonnance du beau jardin que j'entretiens, de l'harmonie que j'ai tenté d'y maintenir, je vois poindre le désordre, cette dissonance que j'ai perçue et qui a nourri mon cri silencieux, qui a repoussé ce visage familier autant connu. J'ai peine à quitter ce lieu, mais je sais que mes souvenirs amis, ceux qui me lient encore à la matrice dont je suis issu, ceux-là avec qui j'échange des regards, je n'ose même plus porter mes pas dans les leurs. Je vis reclus dans mon jardin, mais il est temps avec eux de revenir à nos errements anciens. Former un vœu ensemble, le vœu de nourrir et protéger ce jardin, je l'espère. Le vœu que l'harmonie de la contrée survive aux assauts répétés, aux assauts renouvelés de cette forêt qui avance, ronge, pille tout ce qui fut. Il nous faut moissonner les beautés de ces forêts placée dans le cœur de mes amis, qu'ensemble nous construisions un havre d'une véritable paix. Rio, près de son refuge improvisé. Il rassemble ses affaires. Il ouvrit ses cornes qui ont comme poussé et quitter sa tanière, ça lui fait quelque chose dans le cœur. Son chat se frotte à lui, enfin le chat, ce n'est pas le sien, c'est lui qui vient le voir. Il prend sa massue et revêt sa veste, remet sa capuche et cache avec sa manche sa main, sur lequel est fiché un cristal. Incite le chat à venir et il s'approche de ses amis, un peu triste, mais il sait que s'il va voir ses amis, ça lui fera quelque chose dans le cœur aussi. S'il rencontrait d'autres gens dans la chaînette depuis qu'il est vu, d'autres que Elisheba, oui. Kolia ou Vassili. Il a rencontré Lapin et aussi ce chat. Lapin est devenu son ami. Il passait de temps en temps à la cabane, de temps en temps passait des nuits. lapin n'était pas gêné par l'apparence singulière de oursin, qui est celle désormais de lion. Le lapin avait des oreilles de lièvre, donc il ne pouvait pas se le permettre. Lui aussi est un oursin. Ou comment dit-on, un maltronche. Et avoir ce regard. Et c'est ça ou c'est autre chose? Avoir ce regard d'un ami sur soi, ça fait du bien. Oui, ça lui fait beaucoup de bien. Ils aiment discuter ensemble. Et d'ailleurs, Lapin, il n'y a pas longtemps, a dit que il allait construire une cabane pas loin, juste à côté. Comme ça, ils seraient voisins. Voisins de cabane. Et Lio lui avait aussi proposé qu'il vienne s'installer dans sa cabane. Mais Lapin a refusé l'offre pour s'installer juste à côté, comme ça ils auraient plus de place. Je risquerais de te réveiller la nuit venue en gigotant. D'accord. Et le cristal qui pousse dans ta main, est-ce douloureux ? Non. C'est comme s'il faisait partie de moi. Au début, j'essayais de le retirer, mais quand je grattais, ça, c'est comme si c'était ma peau. Sauf que ça, c'était un cristal. A-t-il la couleur de la forêt fractale ? Non. Quelle est sa couleur ? Il est transparent. Translucide ? Comme de l'eau pure ? Oui. Sauf qu'on ne voit pas les veines. Ce qui est très bizarre. Et il prend sa massue et s'avance. Il s'avance vers le barrage. Il va lui falloir traverser toute la forêt d'abord, toute la chaînette. Non, il est près du barrage. Mais ne parviendra. Comment s'assurera-t-il que ses compagnons le rejoignent précisément à cet endroit, sans se signaler sa présence au drone? Parce qu'il voit ses amis. Il les voit déjà. Ils sont loin. Et puis si un drone le découvre, il a juste à frapper le drone, il tombera. Simultanément les deux étapes, ça veut dire que tu te places hors jeu, que tu vas pas mettre en danger ton personnage et que tu vas pas questionner sa relation avec le chat, puisque tu dis que tu as rejoint la barrage et que tu as vu tes amis. Tu peux intervenir au travers de flashbacks sur le décor, etc. D'accord. Okay. Quand tu es en position hors jeu, ne peut plus état hors service ou hors jeu indique que le personnage ne peut plus agir directement durant la scène. En revanche, la joueuse peut modifier l'environnement à travers des objets, des relations ou jouer sur les flashbacks. Il redeviendra actif à la fin de l'étape. Mais ça veut dire que cette situation. L'étape, c'est là où il y a les petits croix, c'est ça ? Oui. D'accord. Et j'ai bien repris l'énoncé. Je demandais, je t'ai indiqué que avant de rejoindre le barrage, il faudra traverser la chaîne. Et tu as dit non, je n'ai pas besoin de la traverser. Je suis déjà au barrage. Donc en fait, tu t'es mis hors jeu pour les deux. Il est juste à côté en fait. Ma cabane est juste à côté du barrage. Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu n'as pas à traverser toute la chaînette. Donc tu remets en cause les deux étapes. De facto, tu ne prends pas part aux deux étapes qui sont compter le deuil qu'implique pour toi de quitter la chaînette, d'une part, et d'autre part... traverser la chaînée est toujours émaillé, auréolé d'un risque d'y rencontrer les autres, les émanations de la forêt fractale, ou bien encore de devoir échapper aux drones inquisiteurs de Mejgorje. Toi, tu as dit que tu n'avais pas à franchir ces étapes puisque tu voyais déjà le barrage et tes amis. Donc tu t'es placé hors jeu pour ces deux étapes. Ce qui t'interdit pas d'intervenir pour questionner les autres, comme je l'ai fait pour toi. D'accord ? Et donc, comme je l'ai rappelé, tu peux intervenir au travers des objets, des décors, des figurants. C'est pas précisé, mais ça va de soi, des figurants éventuels. Ah si, au travers des relations que tu pourras évoquer dans des flashbacks. Et ça veut dire que tu n'évoqueras que le passé des relations qui se sont nouées entre les figurants ou toi et Elisheba, Qualia et Vassili. D'accord ? D'accord. Non. Toi qui es la personne qui a le plus d'inspiration. Je suis en grève. Tu es en grève. Ah mais on peut même plus aller au travail à cause de toi. Profite de cet instant méta pour vous rappeler que l'injonction de ce deuxième été est que l'atmosphère n'est pas à la tonalité de l'aventure débridée. Il n'y a pas de blessures physiques à envisager, mais plus des blessures morales. On ne peut pas mourir. Plus de l'introspection, mais on peut être profondément altéré. Ou convaincu d'être mort ou d'être effacé en retrait de la vie. C'est volontairement ambigu. Non. Toi, tu n'existes plus. Regarde. Disparis. Non, mais ça sert à rien. Toi, tu n'existes plus. La noisette le prouve. Bon. C'est toi, couche. Non. Non. Non. Toi, tu existes encore. Tu dis que c'est lui. C'est ça ? Ah, mais j'ai pas vous. Je peux intervenir si personne ne vient intervenir. Interviens. Non. Interviens. On commence. Quoi ? Toi ? Quoi ? Moi je suis en grève. Sinon t'es privé de noisette ce soir. Même si je suis pas là ce soir. Toi. Toi. Toi. Toi. Toi. Tu, toi. Toi. Mais non, je peux pas. Mince l'état. C'est pas grave, toi. Ah bah, quelqu'un est mort. Non, regarde, je vais ressusciter. Même si je sais pas comment faire. Je vais arroser celle de Xavier. Regarde. T'en fais, j'étais déjà mort. Regarde, je vais ressusciter. Mais non, il est pas mort. Je suis encore de... Voilà, tu vois, j'ai ressuscité. Je suis hors service. Je suis en réparation. Non, c'est toi. Non. Je m'en fiche, je changerai pas d'avis. Toi. Ouais. Alors, je vous propose de moi rejouer une autre instance de façon à ce que vous pourrez nourrir votre jeu. D'accord ? Moi, je sais pas quoi faire. C'est pas moi, je suis en grève, moi, je sais pas quoi faire. Mais c'est, là, tu m'as copié sur le fait d'être en grève. Non, toi, tu es en grève. Bon. Le secours de ces curieux haricots poussant sur les arbres, une blancheur diaphane, goûteux, filandreux, long en bouche. Circonspect s'il en est, du savant Vassili, qui n'avait manifestement jamais goûté pareil mets. Mais tous nous sommes accoutumés à cela. Ce qui m'a décidé à convoquer ce conclave au bord de l'eau, les visites régulières de la matinale arachnide, conjuguée à la pousse de pierre, une pierre blanche translucide, comme le cristal, l'orichalque auquel est syntonisé Elf, qui pousse au creux de la main des lions qui divaguent et parlent de lapin, son ami imaginaire qu'il s'est trouvé dans la forêt. Il nous inquiète, mais comment dire les mots quand les mots me fuient? Comment dire les mots quand je ne peux oser un geste? Et que ce geste, sitôt donné, provoque la gêne chez Elisheba ou Dimitri. bientôt nous ronge. Par mes errances et mes disparitions, j'ai tenté de les inciter à se préoccuper de la forêt qui avance. Et parfois, j'ai senti le regard inquiet de Vassili penché sur moi. Inquiet de ce que nous sommes devenus au contact du bois, crasseux, couvert des frondes arrachées aux buissons, toujours aux aguets, guettant le surgissement inopiné de l'un des drones venus de Mejgorje. Plus que tout, je capte le silence. Le bannissement des cris du monde, des bruits de mastication, de notre asservissement aux souvenirs de Mejgorje, pour enfin atteindre la liberté que nous avions escomptée. Et plus souvent que des drones qui bourdonnerait par-dessus mon épaule, ce sont les regards de mes amis souvenirs ou mes souvenirs d'amis que j'ai vus par-dessus mon épaule. Je ne sais si c'est le reproche que j'ai lu dans leurs yeux, le reproche de me voir ainsi fuir leur compagnie, celle des hommes, ou les transformations que insidieusement, la forêt a convoqué en moi. Inlassablement, la toile se tisse, ou la tisse se toile, je ne saurais dire. C'est mon compagnon qui fait cela. Un compagnon octopode qui, année après année, a tissé rigoureusement un havre en face du mien, où les senteurs du livre se perdent, où le papier enivre, où le papier vieillit, compose les murs, compose tout. Et dans ces deux havres de calme, dans ces deux lieux reculés, de la vie et de la bêtise, et surtout des excès, j'ai trouvé dans la lecture, dans cette éducation qui m'avait été apportée, une toute autre position. Une toute autre connaissance. Celle de la foi. La foi dans mes lectures. Parce que ces lectures ne pouvaient être remises en cause. Parce qu'elles venaient de jadis. Parce qu'elles venaient d'antan. Mais chaque fois que je regardais ces textes qui furent à mes yeux saints, il me fallait mieux les comprendre et mieux les percevoir. C'est ainsi que, accompagné de mon araignée silencieuse, le savoir s'entreposait, s'empilait, se croisait, se tissait sans cesse. Mais il y avait un manque. Quid du réel? Oui, c'est bien cela. Ce petit palais, ces deux havres mêlés, de la toile et du livre, ils étaient justement parfois trop reculés. Et si la théorie était connue, était apprise, était conçue, était conceptualisée, il me manquait une chose. Cette chose, c'était une sorte de douleur, certes, mais une douleur dispensable. Ça me laissait plus que perplexe. Devais-je quitter le havre? Devais-je quitter les havres? Et cette question, insoluble, me laissait toujours plus perplexe. Elisheba n'aimait pas cette nouvelle de quitter cet endroit. Le seul endroit qu'elle aimait particulièrement. Le seul endroit où elle se sentait vraiment chez elle. Elle voulait rester, mais elle savait quand même qu'il fallait partir. Le sentiment qu'elle ressentait était compliqué. Mais elle savait très bien qu'il ne fallait pas tarder à ce qu'elle fasse, qu'elle prenne ses affaires. Dans son refuge, le seul endroit où elle pouvait s'entretenir avec elle-même, où il y avait presque aucune vie à part les arbres, les plantes et un animal en particulier. Passait régulièrement ici, qui venait régulièrement faire ses cornes sur l'arbre qui était son refuge, qui était mon refuge. Il était assez jeune, mais assez adulte pour être d'une taille assez imposante. Elle lui donnait des fois quelques nourritures, quelque chose à manger. Elle a pu de plus en plus s'approcher de lui. Mais ce n'est pas récent qu'il vient ici. Il était là avant moi. Pendant que je prenais mes affaires, je pris seulement le strict minimum. De champignons, de noisettes et autres. Et pris une espèce de drap qu'elle avait coud de façon à ce qu'elle pouvait masquer ses malformations, comme ses oreilles de goupille qui étaient en plus de ses oreilles humaines et de ses seulement, qui est déjà beaucoup selon elle, 6 queues de renard. Elle sait que chaque fois qu'elle apprend quelque chose d'utile et d'important, une des queues apparaît. C'est pour ça que d'ailleurs elle n'en a que 6. Et c'est tant mieux, elle dit. Car elle n'aime pas trop cela. Une fois, elle a cru se réveiller sans les voir, sans avoir ses oreilles, une apparence normale, mais pas la sienne. Une apparence très bizarre, mais après tout est redevenu normal. Juste avant de partir, elle revit le cerf. Elle lui dit, même si elle était sûre qu'il n'allait pas comprendre, qu'elle devait s'en aller et qu'il ferait mieux de l'accompagner s'il le désirait. Malgré qu'elle doutait qu'il n'allait rien comprendre, elle avait presque l'impression que qu'il l'avait compris et qu'elle comprenait qu'il voulait venir. C'est pour ça qu'il l'accompagnait, Au-delà du regard du cerf, n'as-tu jamais aperçu quelque forme dans les broussailles? Fugitivement entreaperçu, qui rompait le charme du regard bienveillant du cerf, du regard et de son museau tendu vers des mains velues, ses naseaux frémissants, humant la perle de rosée déposée sur ta main au matin, humant l'odeur de la goupille aux neuf queues, la calçonnée de son royaume sylvestre. Et toi, en retour, as-tu senti l'odeur de ce grand cerf? Oui. Depuis ces malformations, j'ai un odorat plus développé. Son odeur avait-elle une teinte, une couleur particulière dans le matin mylvalien de la chênaie? Était-il ce cerf baigné d'une lueur singulière, bizarre autant qu'étrange, ou n'était-il qu'un cerf du bois qui avait la gentillesse de te rendre visite? Non, ce cerf était bizarre, autant qu'étrange. Non seulement j'avais l'impression qu'il me comprenait, mais celui-ci avait une teinte assez particulière. C'est pour ça que je pourrais le reconnaître entre mille cerfs. Il avait une teinte assez dans le marron, normal, mais teint vers le rouge, mais assez léger, un marron rouge. Était-ce son regard appuyé sur le tien qui se teintait de rouge? Non, ses yeux étaient normaux, d'un noir intense. Le noir intense qui était penché vers le tien quand vous regardiez mutuellement lorsqu'il humait ton odeur, lorsqu'il retroussait Ses babines laissaient sa petite langue rose passer sur celle-ci pour mieux capter l'essence du katsune qui était dans la clairière. Tout ça, tu le voyais déformé par l'onde au pied de l'arbre, mais sentais-tu son regard empreint d'un désir protecteur? Moi, je le sentais comme ça. Après, je sais pas si c'était, je sais pas. Mais je me rassurais qu'il venait avec moi. Même si j'avais une boule au ventre à partir de cet endroit. Qu'est-ce qui serait de nature à dissiper la tension qui est née en toi? Elle tient tout entière au fait que tu sois promis à quitter le bois et ton ami le cerf, ou au regard que jetteraient sur toi les autres? Un peu des deux, c'est pour ça que j'ai pris de quoi masquer ce que j'ai. à craindre que l'araignée ne tisse sa toile dans l'esprit de notre ami Vassili et qu'il conçoive dégoût et rejet de nous. Mais nous, nous sommes tous transformés par la forêt, habités par celle-ci. Nos poils en témoignent. Statuts respectifs, on peut considérer, si vous en êtes d'accord, même si nous n'avons pas déclaré nos états à sauver, mais qu'on a réalisé entre, en quelque sorte, trois sauvetages, en considérant que nous avons accepté tous les trois la part de la forêt qui était en nous, et que nous sommes maintenant à l'étape 2 qui nous resterait à compter, à savoir la traversée de la chaînée et les menaces qu'il pourrait y avoir. Est-ce que ça vous convient? Oui. Donc je propose qu'on fasse une pause le temps du goûter. Okay.